Une nuit et un jour se sont passés depuis que Jeanne est prisonnière, et Jeanne n'a pas reparu. Il est 11 heures du soir, les enfants sont couchés depuis longtemps. Le père Poirier est assis à côté du foyer à demi éteint. Une petite lampe de cuivre éclaire faiblement la chambre. Le vieillard, brisé de douleur, attache machinalement son regard fixe sur les charbons qui brûlent au milieu des cendres de l'âtre. Le père Poirier, avec accablement. Jeanne ne revient pas, ils l'auront gardée. Oui, et pourtant, malgré moi, j'espère toujours. Attendons encore, il n'est pas minuit. Il jette du bois dans le feu. Qu'elle puisse au moins se réchauffer en arrivant, pauvre femme. Avec désespoir. Mais non, non, elle non plus ne reviendra pas. Soudain, il entend frapper au dehors de la porte verrouillée en dedans. « Mon Dieu, si c'était Jeanne !» Il se lève péniblement et s'approche de la porte. « Qui est là ?» Une voix au dehors. « Moi, petit Jean !» Le père Poirier, avec un soupir. « Ah, ce n'est pas elle, c'est l'ami de Sylvain. » Il ouvre la porte. Petit Jean, au lieu d'entrer, reste au seuil de la maison. Il est d'une pâleur cadavéreuse. Sa blouse grise, presque en lambeaux, est taché de sang à la manche gauche. Une de ses jambes est enveloppée de chiffons ensanglantés. Il s'appuie sur un bâton et semble pouvoir à peine se soutenir. Il est couvert de neige, car elle tombe au dehors à gros flocons au milieu d'un ciel noir. Le père Poirier. Pauvre petit Jean, vous aussi vous êtes blessé et vous vous cachez? Entrez, entrez. Petit Jean. Entrez chez vous? « Mais vous ne savez donc pas l'ordonnance ?» Le père Poirier. « Quelle ordonnance ?» Petit Jean. « Ceux qui donnent asile ou secours aux insurgés sont condamnés aux galères. » Note de bas de page. Dans la séance du 30 décembre 1851, le deuxième conseil de guerre de Lyon, sous la présidence de M. le colonel Ambert, a condamné le nommé Brun, propriétaire à Grasse, Drôme, à 10 ans de détention pour avoir, comme complice, recelé des insurgés. Astier, garde champêtre à Loirolles, a été condamné à 20 ans de travaux forcés pour avoir donné asile à ceux qui avaient attaqué les gendarmes, etc. Courrier de Lyon, 31 décembre 1851. Vu l'état de siège. Arrête. Article 1. Tous les insurgés ci-dessus désignés seront recherchés avec soin, arrêtés et conduits dans les prisons de Cahors. Article 2. Toute personne qui leur donnera asile ou qui leur portera secours sera arrêtée et poursuivie comme complice de l'insurrection. Le colonel chef de la 10e Légion de gendarmerie, commandant les troupes de l'état de siège dans le département du Lot. Pélago. Cahors, 20 décembre 1851, quartier général d'Agen. Article 1. Quiconque donnera asile aux coupables poursuivis ou favorisera leur fuite sera considéré comme complice et comme tel traduit devant le conseil de guerre. Article 2. Le présent arrêté sera immédiatement publié à son de trompe ou de tambour par les ordres de M. le maire. Le chef de bataillon commandant. Bourrelis, 19 décembre 1851. Retour au texte. Le père Poirier, avec horreur. Aux galères ? Petit Jean. Après avoir passé la nuit dans les bois ce matin au point du jour, j'ai été à la métairie de Vaucelles, chez Jacques Denis, un ancien ami, un brave homme. J'étais épuisé. Je lui ai demandé à me reposer, à me cacher chez lui. Seulement jusqu'au soir. Il m'a répondu, les larmes aux yeux. On a hier tambouriné dans la commune que par arrêté du général, ceux qui donneraient asile ou secours aux insurgés seraient condamnés à 20 ans de galère. Veux-tu m'exposer à cela, petit Jean ? Le père Poirier. Mon Dieu, aller aux galères parce que l'on a donné refuge à un ami ? C'est pis que chez les sauvages. Petit Jean, défaillant, s'affaisse sur lui-même et tombe au seuil de la porte. Je ne veux pas vous compromettre. D'une voix de plus en plus affaiblie. Je venais seulement vous demander des nouvelles de Sylvain. Tant je suis inquiet de lui. Je ne l'ai pas revu depuis l'affaire du pont d'Orléans où nous avons été dispersés. Je mourrai au fond d'un bois ou dans un fossé plutôt que de vous attirer malheur à cause de moi. Le père Poirier. Misère de Dieu, vous laissez mourir sur la route, vous, un ami de mon fils? Non, quand il s'agirait de mon cou, non. Entrez, petit Jean, entrez. Petit Jean, d'une voix éteinte. Je ne veux pas vous compromettre. Dites-moi seulement ce qu'est devenu Sylvain. Et donnez-moi un peu d'eau. Je tâcherai de continuer mon... Il ne peut achever ses paroles. Il s'évanouit. Le père Poirier, quoique affaibli par l'âge et par le chagrin, trouve des forces dans sa compassion. Il soulève petit Jean, dont la stature est petite et frêle, et parvient à le traîner près du foyer. À ce moment, le vieillard entend la voix de Marie, qui, éveillée par le bruit, lui crie de la chambre voisine avec inquiétude. « Grand-père, qu'est-ce qu'il y a donc ?» Le père Poirier, allant pousser le verrou de la chambre des enfants et celui de la porte de la maison. « Ce n'est rien, dormez, cher petit. J'ai été chercher du bois dans le fournil pour rallumer le feu. » Le père Poirier adosse petit Jean à un escabeau près du foyer où flambent des brumailles. Il va ensuite au buffet, y prend un pot, revient, et au moyen d'une cuillère d'étain, il parvient à faire boire quelques gorgées de vin à petit Jean. Celui-ci, peu à peu ranimé par ce breuvage réconfortant et par la chaleur du feu, reprend ses esprits. Le père Poirier remarque avec joie ces symptômes rassurants. Mais à peine l'ami de Sylvain a-t-il conscience de ce qui se passe autour de lui, qu'il tente un nouvel et vain effort pour se relever et se traîner jusqu'à la porte. Puis il retombe, épuisé, sur le plancher. Petit Jean, avec douleur. Je suis brisé. Mes jambes refusent de me porter. Impossible de sortir d'ici. Le père Poirier se courbant vers lui. Mon pauvre garçon, tâchez de vous aider un peu. Je vous mettrai sur le lit, vous y reposerez mieux. Petit Jean, suppliant. Je vous en conjure, traînez-moi jusqu'à la porte. Laissez-moi dehors. Le père Poirier. Mais perdez-vous la raison? Vous mettre dehors par une nuit pareille, dans l'état où vous êtes? Petit Jean avec désespoir. Mais vous ne savez donc pas qu'une colonne mobile parcourt le pays? Fouille les bois et les métairies isolées pour y chercher ce qu'on appelle des insurgés? Amèrement. Nous, des insurgés, nous qui avons défendu la loi. Ah, ce que j'ai fait, je le ferais encore. Le père Poirier. Oui, comme mon pauvre Sylvain, vous vous êtes conduit en braves gens. Aussi, vous resterez ici, et demain, si vous êtes en état de marcher, nous verrons. Petit Jean. Demain? Mais si la colonne mobile vient cette nuit, ou au point du jour, fouiller cette maison, et qu'on me trouve ici, je vous l'ai dit, c'est pour vous les galères? Le père Poirier, amèrement. Va pour les galères, on aura vu un honnête homme galérien. Oh, allez, petit Jean, pour le temps qui me reste à vivre, loin de mon pauvre Sylvain. Il sanglote, loin de sa femme. Crever au bagne ou ici, ça m'est bien égal à moi. Petit Jean. Sylvain est donc arrêté? Ah, voilà ce que je craignais. Le père Poirier. Il était caché dans une ancienne marnière des bois de Mareuil. Petit Jean. Ah oui, il m'avait indiqué cette retraite. Je l'ai en vain cherchée. Je n'ai pas pu reconnaître l'endroit. Le père Poirier. La cachette était bonne, mais vous allez voir. Sylvain avait reçu une balle dans la cuisse. Les gendarmes sont venus, ils nous ont demandé où était mon fils. Nous avons répondu que nous ne savions pas. Alors ils ont emmené Jeanne en prison. Petit Jean. Une femme? Une mère de famille? Ah, c'est trop, c'est trop. Le père Poirier. Ah bien oui, ils s'en moquent pas mal de la famille et des petits-enfants et des pauvres vieux qui pleurent, allez. Enfin, Pierre, au désespoir de voir emmener sa mère, accouru sans nous prévenir dire à mon fils que Jeanne était en prison. « Ne crains rien, mon enfant, lui a répondu Sylvain. On ne gardera pas ta maman prisonnière. Retourne vite à la maison. Rassurez-vous tous. » L'enfant revient tout content nous raconter cela. « Ah, pauvre petit, me suis-je écrié, tu as sans le vouloir livré ton père. » Petit Jean. Que dites-vous? Le père Poirier. Ah, je connais Sylvain. Plutôt que de laisser en prison la mère de ses enfants, il aura été se livrer. La preuve, c'est qu'aussitôt que Pierre nous a eu dit ce qu'il avait fait, je cours aussi vite que je peux, avec Marie, à la marnière. Sylvain n'y était plus. Il pleure à chaudes larmes. Il se sera traîné jusqu'à Orléans pour se rendre prisonnier, afin qu'on mette Jeanne en liberté. À moins que, perdant son sang, et malgré son courage, hors d'état de sortir du bois, il ne soit mort au fond de quelque taillis, où les loups iront mettre son pauvre corps en lambeaux. Misère de moi, pourquoi ai-je vécu si vieux? Le bon Dieu m'en voulait donc bien. Je n'ai pourtant jamais fait de mal à personne. Il pleure. Petit Jean. Bon père, il y a déjà assez de malheur sur votre famille. Vous le voyez, Jeanne est toujours prisonnière, soit qu'on la retienne avec Sylvain, soit que mon pauvre camarade ait, comme vous le craignez, trouvé la mort au fond des bois. Enfin, vos trois petits-enfants n'ont plus que vous au monde. Si l'on me trouve dans cette maison, on vous arrête. Alors que voulez-vous qu'ils deviennent? Ils n'auront plus personne, ces pauvres orphelins. Personne? Je vous dis que je vais m'en aller de cette maison. Je ne resterai pas une minute ici. Non. Il essaie encore, mais vainement, de se traîner jusqu'à la porte. « Cloué-la, mon Dieu, cloué-la, impossible de sortir, malheur à moi. Ah, pourquoi ne suis-je pas mort sur la route? Pauvres orphelins, ils perdront leur dernier soutien, et par ma faute. » Le père Poirier, amèrement. « Bah, à quoi est-ce que je leur sers à ces enfants? Ce sont eux qui me soignent, je leur suis plutôt à charge. Je n'ai pas pour longtemps à vivre, je le sens bien. » Et quand ils n'auront plus ni père, ni mère, ni grand-père, on ne les tuera peut-être pas, ces petits malheureux. On les enverra au dépôt des mendiants, et de là, à la prison des jeunes vagabonds, où ils deviendront sans doute, comme tant d'autres, de mauvais sujets, eux. Ils pleurent. Pauvres chères créatures, élevées jusqu'ici, par nous, si honnêtement, si bravement, que c'était un charme de les voir et de les aimer. Petit Jean. Père Poirier, par pitié, écoutez-moi. Le père Poirier. Tout ce que vous direz ou rien, c'est la même chose. Vous me voudriez du mal que je n'aurais pas le cœur de vous laisser dehors par un temps pareil. Ainsi, au lieu de vous obstiner à passer la nuit sur le carreau, aidez-vous. Je vous porterai sur le lit. Vous y reposerez, vous reprendrez des forces. Et si demain matin vous êtes en état de marcher, un des enfants vous conduira à la marnière. C'est une cachette sûre, puisque mon pauvre Sylvain y est resté sans être découvert. Allons, petit Jean, soyez raisonnable. Que les soldats vous trouvent ici couché par terre ou sur le lit, est-ce que l'on ne m'arrêtera pas tout de même, si l'on doit m'arrêter? Tandis que si vous passez une bonne nuit, au lieu d'en passer une mauvaise, vous serez peut-être demain matin en état de quitter la maison. Petit Jean, je suis obligé de faire ce que vous voulez. Je me sens hors d'état de faire un pas. Je vais essayer avec votre aide de me mettre sur le lit. Et peut-être, au bout de quelques heures de repos, je pourrai repartir. Petit Jean, grâce au secours que lui prête le vieillard, parvient à monter sur le lit et s'y couche avec un bien-être, avec un délassement inexprimable, après ces deux jours passés à errer dans les bois. Le père Poirier étendant avec sollicitude sur Petit Jean une couverture de laine. « Il y a du pain à la maison. Voulez-vous manger un morceau ?» Petit Jean. « Merci. » Ce matin, Jacques Denis, forcé de me refuser un asile, m'a donné quelques provisions. Elles m'ont duré jusqu'à ce soir. Mais j'ai grand soif. Le père Poirier. Je vais mettre de l'eau avec ce qui reste de vin dans le pot. Ça vous fera une boisson. S'occupant de ce soin. Et vos blessures, mon pauvre garçon? Petit Jean. Celle de la jambe m'est encore bien sensible. Mais je ne sens plus beaucoup la plaie que j'ai au bras. Le père Poirier. Voulez-vous que j'essaie de vous panser? Petit Jean. Merci, bon père. Je crains qu'en arrachant les linges qui sont collés sur le sang caillé, cela ne ravive mes blessures. Le repos me fera du bien. Je me sens accablé de sommeil. Mes yeux se ferment malgré moi. » Sa tête appesantie retombe sur le traversin, mais tressaillant au bout d'un instant. « Mon Dieu, si l'on allait me trouver chez vous !» Le père Poirier lui présentant à boire. « Ne songez pas à cela. Buvez et faites un bon somme. » Petit Jean, après avoir bu. « Oh, je le voudrais, pour pouvoir partir d'ici dans quelques heures. » Le père Poirier. « Nous verrons cela plus tard. Tâchez d'abord de dormir, de vous reposer. » Petit Jean, cédant peu à peu au sommeil qui le gagne. « Merci, bon vieux père. Je suis si fatigué. Ah, c'est bon, un lit. Mon Dieu, si l'on me trouvait chez... » Petit Jean n'achève pas. Sa voix expire sur ses lèvres. Il s'endort bientôt profondément. Le vieillard, après avoir couvert l'ami de son fils avec quelques hardes qu'il place par-dessus la couverture, éteint la lampe, revient près du foyer, renverse un escabeau qui doit lui servir d'oreiller. Puis, amoncelant des bruyères sèches sur le sol, il s'y étend en disant d'une voix navrante « Ah, dans les bois, je couchais aussi autrefois toute la nuit sur la dure. Mais chaque dimanche, je descendais au village et je voyais mon Sylvain. Ah, mon pauvre enfant, c'est fini. » Le vieillard ferme ses yeux, d'où coulent ses larmes. Il espère, en s'isolant ainsi de la lumière que répand le foyer, trouver le sommeil et l'oubli passager de sa douleur. Peu à peu, ainsi que Petit Jean, il s'endort. Le plus profond silence règne dans la maison. Les dernières lueurs du brasier expirant jettent leurs reflets rougeâtres sur le vieillard endormi et sur le lit où repose Petit Jean. Bientôt celui-ci, sous l'obsession d'un songe, murmure avec effort « Soldats, vive la loi, la République. Sylvain, mon ami, ah, si l'on me trouvait chez toi, oh, je, ta femme, tes enfants. » Petit Jean balbutie encore quelques mots d'une voix de plus en plus affaiblie. Le silence redevient profond, et bientôt minuit sonne dans le lointain à la paroisse de Saint-Laurent-des-Eaux.